ce soir. Pour tous ce soir. Ce soir, ce soir. La la la la la la. Des concerts indépendants à 50 balles avec du monde et avec la fête. Quelque chose, ça? Madame, ça vous dit quelque chose? Ben oui, c'est en plein ça. C'est le film. Johnny s'en va dans la guerre. Johnny, oh Johnny, toi qui as rien compris de ta vie, oh Johnny. C'est pas le bon canal qu'on a capté. Sommes-nous sur ces CQRL? Eh oui, bonjour les amis. 22 juillet, heureux d'être avec vous. Je reviens tout juste, là. Je te le dis, je viens de descendre les escaliers pour arriver dans mon tombeau de la rue des Abbesses, que j'appelle mon studio, parce que c'est pas la rue des Abbesses, c'est en fait mon sol. Il est seul, toujours seul, mon sous-sol. Il s'ennuie. Il s'ennuie. Puis il voudra avoir de la compagnie. Mais je dis, t'as voulu être un sous-sol. T'es premier étage, c'est sûr que t'as des compagnons de route. T'as au moins le plancher. Tout le monde est sur le même plancher. Quand t'es dans le sous-sol, t'es dans le trou, tu te prépares à descendre, là. OK, écoute. On te sent. Moi, je sais pas, là. Je veux pas non plus te blesser, mais on te l'a proposé. Veux-tu vivre au premier étage ou au sol? T'as dit au sol. Moi, au sol, il fait noir au sol. J'ai tout le temps frais au sol. L'été, quand tu fais son, là, on est bien au sol. Ben oui. C'est sûr, t'es presque dans ton tombeau. Ça rafraîchit. C'est pas parce que t'es en dessous du sol. C'est parce que les morts t'envoient du froid. Les morts sont froids. Fait que ça t'amène du froid, c'est bien certain. Dans le sous-sol, c'est pas parce que c'est... Eh, monsieur, toi... Il faut que tu réfléchisses à un moment donné dans ta vie, là. Puis c'est mieux de réfléchir avant de dire oui, comme ça que t'es pas dans le trouble. Premier étage, t'es devant... Tout le monde marche au premier étage. Le trottoir est au premier étage. Pas au deuxième. T'as-tu déjà dit quelqu'un... Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire, « Hey, moi, je vais aller prendre le boulevard au deuxième étage, moi, là. Mais non, c'est le premier. Puis même, t'as même pas le nommé, le premier, c'est normal, c'est la normalité. Fait que le sous-sol, c'est en bas. J'espère, en tout cas pour moi. Pour Mme Thibodeau, où elle se situe. Sa formation, ou sa déformation, a-t-elle compris de lui expliquer qu'est-ce qu'était le sous-sol et le sous-sous-sol? C'est encore pire, le sous-sous-sol. Quand tu vas à l'hôpital, moi, je m'en souviens à l'hôpital, pas pour moi, pour les autres. Ah, moi, je veux rien savoir d'hôpital. Ah, perso, là, oh! Puis plus je vais pour les autres, puis plus je me dis, ça sera jamais pour moi. Pas pour moi, l'hôpital, moi. Mais il y en a qui sont heureux là-dedans, là. Ils apprennent des nouvelles maladies, puis ils essaient de les attraper. La dernière, là, c'est le Crocodile Drug. C'est pas une blague. Regardez sur Internet, Crocodile Drug. C'est arrivé à Québec, ça fait à peu près 2 ans et demi. Pas compliqué, ça. Ça brûle les tissus de la peau. Fait que là, c'est rendu qu'à la fin, là, tu vois, on voit tes os. On voit les muscles. Il y a des photos là-dessus, là. Rentrez ça. Allez dans les internets, là. Pas dans des internets, puis rentrez Crocodile, comme un crocodile. Crocodile, pas la chanson Crocodile Rock, là. Hey, c'est de Elton John. Crocodile Rock. Hey, faudrait que je la fasse. Ça serait plaisant que je fasse jouer ça, là. À l'instant, mais... Parce que ma discothèque est en arrière de moi. Puis si je me tourne pour trouver le record, ça risque sincèrement de prendre un peu plus que 2 minutes. Là, si je mets un blanc de plus que 2 minutes, ils vont me faire arrêter par l'Audimat. La police d'Audimat, elle se promène tout le temps, elle. 24 heures sur 24, elle écoute. Elle est comme le FBI, là. Elle a les oreilles tout le temps, là, allumées. Le regard à la flûte enchantée. Oh, c'est beau, la flûte enchantée. Hein? Oh, mon Dieu, quelle belle ritournelle. Mais la bière en fût aussi, mais ça n'a rien à voir. Ne demandez pas une bière en flûte, une bière en fût. Si vous l'êtes compris dans toute la francophonie, une bière en fontaine. Pis si tu te souviens plus, est-ce que c'est en fontaine? Tu penses à Brigitte, la chanteuse Brigitte Fontaine. Tu comprends vite. Là, tu sais, une bière en fût, une bière en fontaine, une bougie de fontaine. C'est comme ça. Il y a des trucs. Pour être intelligent, là, c'est la mémoire, c'est une multitude de trucs. Souvent, c'est des ricochets qui te ramènent à trouver le mot. Moi, j'ai pas de mémoire. Mais c'est l'université, c'est le cégep qui m'a appris à avoir de la mémoire. Non pas, mais enfin, j'ai développé ça perso. C'est encore perso. Moi, je suis très perso, moi. Oh, perso, je suis perso, moi. Oh, je suis perso au troisième degré. C'est un peu comme le crocodile rock, là. Tu sais, l'épiderme, la sensoderme, ça s'en va, là. Ça, comme les pichoules de carotte. La carotte. Connaissez-vous ça, la carotte, Mme Thibodeau? Tu prends ta carotte, puis tu l'empoignes, tu sais, pas une petite carotte. Je parle pas des concombres, non, des cornichons. Je parle de la vraie carotte. Puis si tu sèmes, on est le 22, là, la carotte est pas prête. Encore 2-3 semaines, là, tu vas la sortir. Pour voir si ta carotte... Non, mais c'est important, ça, là, puis on n'apprend pas ça dans les écoles, là. C'est la vie, c'est la nature. La nature, c'est l'observation. Observer. Regarder et interpréter. Fait que là, tu regardes ton... Parce que c'est un genre de touffe, là. Tu vois, tu regardes ta touffe. Tu regardes ta blonde, tu regardes la touffe. Tu regardes ta blonde, tu regardes la touffe. Tu dis, ouais, ça serait bien le retour de la touffe. Non, dis-toi. Non, la touffe de carotte. Quand tu vois la touffe de carotte, déjà là, ça te dit que la carotte est là. Qu'elle va s'émanciper. Là, elle va se réveiller comme la fleur d'un Saint-Exupéry. Tu sais, elle se réveille, c'est sûr. Oh, regarde-moi pas, petit prince. Je suis peut-être un peu décoiffé. Tu sais, une petite fleur là, qui veut bien paraître. Là, comme toutes les petites fleurs. Émilie Simon, c'est une petite fleur, elle. Une belle fleur. La fleur du mal. Il y en a plein comme ça, des fleurs du mal. On pourrait en nommer. J'en ai connu une. Il n'y a pas longtemps. Elle n'a pas passé rapidement. Elle a passé chut, dans ma vie. Là. Chut. On a travaillé ensemble, je pense, 72 heures. Chut, parti. Comme une petite carotte. Ah, mon Dieu. C'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps, là. Puis, je sais, presque un mois et demi. Non, mais quoi, deux mois, un mois et demi. Cette fille-là, je te jure sur Mme Thibodeau. Mme Thibodeau? Ah oui? Ah oui, je vous jure. Est-ce que j'ai le droit de jurer sur vous? Ah oui? Ah oui. Vois-tu, ah oui, bizarre, là. Ah oui? Ah oui. Êtes-vous dans la normalité? Ah oui? Bon, je ne sais plus où elle est. Là. Elle est perdue comme bien du monde. Là. Ce monde-là, ça se perd de rien. Ça éternue. Puis, où je suis? Ces individus-là, petit éternuement, là, perdent le nord. Ça pue son en haut, en bas, à gauche, à droite, au sous-sol, au sous-sol, premier étage. Ça pue. Le diapason, là, pouf! Ils sont plus accordés, là. C'est comme la guitare, plus accordés. Les six cordes fonctionnent plus, là. Même, on se demande si les six cordes n'ont pas pété en même temps. Fait que là, pour venir à... Je dois trouver un nom imaginaire, là. Disons qu'elle s'appelle Cassandra. Pas pire Cassandra, là. Ça fait... Bonjour. Hey, en passant, là, bonsoir à toutes les Cassandra. Si vous en connaissez, appelez-les. Vous avez quelques minutes, là. Il est déjà minuit 16 et 33 secondes. Réveillez la Cassandra qui sommeille en vous. Et moi, c'est pas Cassandra, moi, c'est un cassonade. Puis là, il y a deux sortes de cassonade, puis ça me trouble en tamande. Il y a le cassonade foncé, puis là, il y a le cassonade pâle. Et moi, je m'interroge. Oui. J'ai le droit de m'interroger. Oui, c'est un signe d'intelligence. Oh! Alors, je m'interroge souvent. Oui, quand je suis devant ça, là, deux sacs de cassonade. Oui. Chez nous, on dit du sucre brun. Il y a du sucre brun, la casse, c'est pas important, ça, là. Il y a de la cassonade foncée, de la cassonade pâle. Est-ce que je peux vous le dire? Ben, allez-y, prenez le temps. Merci. Ici, là, vous êtes à l'émission où on peut prendre le temps. Oh, ça, c'est quand même... Prendre le temps est un luxe. En 2016, c'est un... Hey, on entend le vent de terre. Oui, je sais, c'est mon hélicoptère qui tourne. Mais on va faire un spectacle à Hollywood. Hollywood dans Beauce, là, pas Hollywood aux États-Unis. Non. Et puis, donc là, je suis devant deux... Parce que je veux pas perdre ma cassonade. Il y en a qui veulent pas perdre... Toujours sur la ligne, mais ils veulent pas perdre ça. Puis l'histoire de Cassandra, ça ressemble à ça un peu, là, la ligne blanche. Alors, on va revenir au sucre brun parce qu'on s'en va dans quelque chose de... On va torcher. Faites attention. Couchez les enfants. Mais là, les enfants sont couchés à minuit 17. Quoique ma petite dernière... voyons, t'es en train de... Non, je rentre en transe. Je sais pas si c'est la nourriture, mais on dirait qu'elle a fait des petites coliques. Voyons donc, toi, c'est des fraises, des petites fraises des champs. Mais là, ta petite dernière, elle a pas 23 ans. Elle a 23 ans. Elle fait des coliques. Elle fait plus ses nuits. Mais voyons donc, toi. Puis son copain, elle a plus de copain. Elle n'a plus de copine. Elle ne sait même plus si elle est aux copains ou aux copines. Elle est un petit peu mêlée. Elle est comme Cassandra. Alors, on ne sait pas devant deux pots. Deux pots. Ce n'est pas des pots, c'est des sacs. On sait, c'est pas des sacs blancs. Alors, Cassandra ne rentre pas en ligne de compte. En ligne de compte. T'en comprends-tu? Hein, tu sais un pot, on va aller avec Cassandra. Là, hein? On va aller bien bas. Mais pas assez bas pour elle, puisqu'elle n'a pas voulu modifier son mode de vie. Mais c'est pas ça, pas l'important. L'important, c'est les deux sacs. Les deux sacs de sucre brun. Brun foncé, brun pâle. Est-ce que le bleu pâle... Est-ce que le brun pâle... Attendons. Je commence à avoir les bleus, moi, là. Puis au Québec, avoir les bleus, là, ça n'a pas beaucoup de signification. Ça n'a une seule signification. Prendre l'air, avoir les bleus, c'est quoi, avoir les bleus? Avoir les bleus, c'est avoir les bleus, là. Moi, là-dedans, je peux pas avoir autre chose que les bleus. Puis avoir ton bleu, c'est quoi? C'est partir. Puis, ben, bon, partir pour le bleu. Hein? Le bleu, le ciel, le bleu, partie du bleu. Moi, je fais partie du bleu. Je bluffe pas là-dessus. C'est du. Là, c'est comme la cassonade. Vont me dire, est-ce que c'est du bleu foncé, du bleu pâle? Ma question est la suivante sur la cassonade. Merci, monsieur. Cassonade, l'ancien chanteur de plumes, la traverse, là. Et qui aussi porte le nom de Stephen Faulkner, alias Cassonade. Mais lui, ça demande-tu, lui, si la cassonade foncée est plus sucrée que la cassonade pâle? Moi, je me dis que la foncée a plus de substance sucrurérale. Du sucré. C'est plus sucré. Faut pas inventer des mots, là, mon petit champion. Il y en a tellement dans la langue française. Là, tu peux dire peut-être, hey, je veux vous. J'ai déménagé il y a quelques minutes une copine de son appartement à mon lit. Et ouais, elle a quitté son appartement. Elle trouvait que mon lit était plus intéressant. Quoi, que moi, j'ai essayé de chauffer, éclairé, nourri. Nourri. On nourrit ses fils. Écoute, on nourrit, on nourrit avec ce qu'on peut, là. À la cuillère, à la paille, en tout cas, peu importe. Et donc, cette fille-là, oui, que j'ai déménagé, c'est ça que je disais. Eh oui, c'est ça que je disais, moi, il dort, toi, tu te souviens, puisque ben oui, je me souviens. Hey, OK. Je me demandais, je me taponnais, ça m'arrive de me taponner, puis je chantais plus mon cellulaire. J'ai décoché le cellulaire pour le mettre à côté de moi, histoire de regarder le dernier combat ultime de Mohamed Ali. Pou, pou, pou, pou. Trois boules de cuir. Pou, Mohamed Ali. Pou, pou, uppercut. Pou, pou. Attention, moi, je dis que Satan, en haut, là, va en manger une maudite à côté de Mohamed Ali. Oh, c'est fini pour lui, là. Lorsqu'il va rentrer sur le ring au ciel, là, c'est bounce in the 16 feet pound, Mohamed Ali. If we were bound the red direction, Saba Machado. Ça va faire dur. Oh. Je sais pas si ça va être transmis sur la télé satellite. Moi, je me suis acheté un satellite. Ils m'ont dit, tu tournes ça à 45 degrés, tu vas prendre toutes les postes du ciel. Là, la messe en église et puis Jean-Paul II qui fait son spectacle Rock and Roll Metal. Hommage à Motorhead. Puis le chanteur de Motorhead est là. Et il y a un solo de guitare, le pape, il paraît, là, Jean-Paul. Et il lèche la corde. La sixième corde. Il prend des chocs électriques. Ça, il paraît qu'il faut être là. Il faut être là pour le vivre. Puis, savez-vous ça que René Angelil est devenu impresario du pape Jean-Paul II en haut? Là. Il y a de l'argent à faire là. Il y a de l'argent à faire là. J'ai presque hâte d'y aller. Voilà, là. Oh là là là. Elvis a demandé à René. Il dit, René. René. Ça, c'est Elvis. Ah, mon émission de... My name is Elvis Presley. Elvis Presley. How are you? Me, I'm fine. René, il n'a rien compris. Pauvre René, il cherche encore dans le dico. Voyons donc, moi, j'ai fait des succès aux États-Unis avec ma petite Céline. Là, ça, il prend sa voix un peu d'illuminée. Puis là, à un moment donné, il me retrouve devant Elvis. Tu commences, mange ton hold-dog, mon Elvis. Avale ton hold-dog, mets du ketchup dans la bouche, avale-moi ça. Parce que ça sert à rincer, hein. La saucisse, ça passe pas, là. C'est comme, ça a été une péripatéticienne, moi. Ouais. Elle donne des petits trucs sur les internets. Ouais, cassonade. Je sais pas. C'est une interrogation. Si vous savez, Rénal Québec, à commercial, hotmail.com. Rénal Québec, à commercial, hotmail.com. Si vous avez pas... Non, vous doutez de l'appellation de Rénal? R-A-Y-N-A-L-D. Québec comme la ville. À commercial, c'est un A qui est bizarre, étrange, là. Autant que les rangs. Hotmail, ben hotmail, hotmail.com. Dis-moi si le foncé est plus sucré que le plus pâle. Que le pâle. Ensuite de ça, on va revenir à la fille que j'ai rencontrée depuis pas près 72 heures. La pauvre enfant. Pas touché encore le fond, comme je le disais. Triste nouvelle pour elle. Pour nous. Vous comprenez pas? Vous avez pas suivi la... Heureusement qu'il n'y a pas des épisodes. Hein? Moi, ce qui me stresse dans les téléséries, là, c'est d'en manquer une. Si t'en manques une, comment tu peux suivre l'autre après? Là, tu demandes à Georgette, ton épouse? Tu travailles toute la semaine pour faire vivre Georgette. Georgette, elle a décidé d'être reine au foyer. J'ai rien contre la reine, là. Vive la reine, ouais. Puis, fait que là, c'est le mari. Doit combler les trous. Les trous au niveau monétaire, au niveau de des sous. Il doit gagner des sous, de l'argent. Hein, l'argent mène le monde. Le monde est stone. Puis si tout le monde est stone, ben faut mettre de l'argent pour stoner. Puis si on stone pas, ben on tournera pas comme la Terre. Puis la Terre, on se demande, encore aujourd'hui, on se demande. Il y en a un imbécile, il dit, la Terre est ronde, la Terre est ronde. Oui, elle fait avant. Oui, un insignifiant. Là. Ce qui compte, c'est se libérer soi-même, découvrir ses propres dimensions, refuser les entraves. Elle disait aussi, dans l'intimité, on peut faire ce que l'on veut, on peut pleurer si personne ne regarde. Elle a aussi lancé, chacun de nous a son passé renfermé en lui, comme les pages d'un vieux livre qu'il connaît par cœur, mais dont ses amis pourront seulement lire le titre. Qu'est-ce qu'elle a dit encore? Étonnant. Je ne suis qu'une torchonne. Je lave de jeu des crottes toutes les illusions. Appelez-moi petite fanfaronne. Je donne l'amour. Et maintenant, que dois-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie et tous ces gens qui m'indiffèrent? Et maintenant, non, mais t'avais le très bon, mais à la fin, là, on dirait que l'imitation du poisson, là. En parlant de poisson, depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais aimé les produits de la mer. Pas au niveau visuel, mais au niveau gastronomique. J'ai jamais aimé ça, moi, des poissons, des pieuvres, des choix pour manger. Pas sûr, on est sorti de la mer. On est sorti de la mer. On fait du bien de le dire. Je sais pas, ça vous... Non? Ça vous fait pas évoluer, madame? Non? Ouais. Ça, c'est le poil de mon... Parce que... Non, on va vous... Arrêtez, partez pas d'affaires, là. Oh, elle est folle. Vous êtes folle, hein? Une vraie folle. Regarde-moi la folle. Hey, arrête de faire la folle. Maudite folle. Hey, on va t'enfermer. Quoique, on est déjà enfermé dans notre vie. On est enfermé dans notre corps. C'est ça, on traîne ça, notre corps. On se traîne. Hey, ma jeunette a de la misère à traîner. Voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Oh, voyons donc, t'es une jeunette? Une jeunette, je suis pas une jeunette, moi, là. Une jeunette, là, moi, une espèce d'un gros coordonné, moi, une jeunette. On va 77, moi, là, on dit 77 demain matin. Pas demain après-midi, demain matin, mais moi, je suis dans le matin, moi. Entre le jus, le croissant et le café. Puis moi, le café, c'est expresso. Quand ma mère m'a mis au monde, il faut pas trop articuler, hein? Quand ma mère m'a mis au monde, elle était déjà en train de glorifier la papauté. Elle chapeautait la papauté. Elle aimait ça, chapeauter le papauté. Puis on se demande si c'est pas le monsieur curé qui l'a pas... On avait un curé qui... Il y avait la... Il y avait la burette fragile. la burette, il coulait. Ah, c'est pour ça que, ouais. Non, c'est un petit village, hein. Puis lui, comme dans un petit village, quand t'es un curé, les prêtres sont pas tout le temps là, fait que tu fais beaucoup de messes. T'es sa grosse dope, là, t'es sa messe, fait que là, tu demandes pas à d'autres de faire la messe, c'est toi qui l'as fait la messe. Puis en deux messes, il y a un entraque. Là, tout le monde, ça s'éponge, puis ça se pratique pour l'autre show après. Pis c'est là qu'il... Et les servantes de messe, ah, ils servaient de la veille, là. J'ai dû arrêter. Là, regarde, il sait même pas où il se trouve, lui, là. Donnez pour vous. Donnez votre corps. Donnez pour l'étranger. Donnez votre vin. Donnez la peau main. Voyons donc. On dirait que c'est pas la messe de l'époque, là. Ça demande. Ça manque de décorum. Ça, pas juste de décorum. Même, je crois que ça a pris trop de rhum. Ce bonhomme-là, là. Ben, mon homme de curé. Ben oui, curé. Excusez-moi si je vous manque ce respect aussi. Non, pas de respect. T'es une brebis, toi. Moi, t'es un curé, toi, t'es une brebis. J'ai le droit de juger le monde. Moi, t'es un curé, toi. J'envoie des Il me semble que vous n'avez pas le droit du curé. Mais non, mais les curés sont pas toujours... Bonjour, mes frères. En ce 22 juillet 2016, le lendemain de grâce, comme on disait, nous allons lire le psaume selon saint Matthieu. Le psaume selon saint Matthieu, page 17. Il marcha devant lui. Il respirait le silence. Dieu, dans sa bonté, fit sa révérence. Mal de dos incroyable, hôpital, ambulance. L'ange ou démon lui remit la cadence. Fille d'adultère, homme de troupeau, manque de peau, l'ambulance fait une embardée. Deux morts, cinq blessés. Où sont salés mêlés? Les rebelles cherchent un mort. Mais à saint priez pour nous. Priez pour nous. Nous sommes amis, avec des ennemis. Priez pour nous. Priez pour nous. Cherchez la mort, priez pour nous. Priez pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Aujourd'hui! Aujourd'hui, mes amis, tout va bien. Pour nos enfants, pour nos grands-pères, pour nos élections à venir, votons juste et meilleur. Parce que si c'est meilleur, ce sera pas pire, hein? Non, mais la simplicité volontaire, ça commence comme ça. Monsieur le Président. Monsieur, parce que, excusez-moi, je me suis comme replacé le micro. Je porte un jeans trop serré, puis le micro, des fois, c'est pas où aller. Oui, je place le micro bien bas pour m'élever. Tu sais, la plongée, là, c'est ça, la plongée pour montrer, la contre-plongée pour rapetisser le peuple, pour rapetisser le personnage, la plongée, pouf! Pour rendre hein, l'individu, le comédien à sa pleine puissance. Monsieur le Président. Monsieur le patron catholique, mesdames les voluptés, vous, chers résidents, résidents impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rinaldienne. Bienvenue! Bienvenue! Comment ça va? Je l'ai dit au début, mais je continue. Ça peut changer, là. Tu reçois un téléphone? Le téléphone sonne. Le téléphone sonne. Oui, allô? Mathieu? Oui? Mathieu Tremblay? Oui? Comment ça va? Ben, ça va bien, vous? Nous, ça va. Nous, ça va? Nous, ça va. Nous, ça va? Nous savons que vous savez. Oh non! Oh, je l'avais dit à Georgette. Ne divulgue pas le secret magique. Le secret magique? Quel secret magique? Mais le secret magique... J'imagine que c'est un secret, là. Lequel? Ben, on peut pas le dire. Comment ça? C'est un secret. Oh! Oui, bienvenue à la douce réalité. À l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme. Fring Reynald le néant gagné. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, hein? Ah oui, puis toutes les citations que je vous ai faites tout à l'heure, c'est de Virginia Woolf. Pas pire, hein, Virginia Woolf. C'est pour ça que je vous dis qu'on est librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Comme je vous ai cité. Si t'étais là, tu le sais, voyons donc. T'as-tu un coupe-mémoire? Tu connaissais des coupes-mémoires, là? Fais-tu de l'errance? Ah, attention. Facebook, moi, j'arrive vers là. Moi, j'arrive. Ça fait à peu près 12-13 ans sur cette émission-là, là. Gère. Puis dans la vraie vie, je suis sûr que moi, mon émission va s'arrêter parce que je vais faire de l'errance. Voilà. Du décalage horaire, là. De l'incompréhension du quotidien. Mais le souvenir de mon passé, oh! Hey, en 1763, on a-tu mangé une satanée pizza? Hein? Une satanée pizza aux anchois de Calvaire. Très rare, les anchois de Calvaire. Difficile à trouver aussi des anchois. Avez-vous mangé dans votre vie, citoyen de CQRL? Avez-vous déjà mangé des hein, de Calvaire? Non, vous n'avez jamais mangé ça. C'est comme des concombres. Les concombres de Jésus-Marie. Ça, c'est dans les... Mais ben, entendez, je vais vous dire. C'est dans les champs de ces religieuses-là. Elles plantent le concombre un par un. En l'embrassant. Et surtout, très important, en mettant de la bénédiction papale. Puis là, le soleil brille. Les anges viennent amener une chaleur là-dedans là, qui fait pousser le concombre. On vend ça à un prix formidablement fou parce que c'est un miracle. Les miracles, faut que ça se paye. Là. Voyons donc, ça vient pas comme ça. Essayez d'en faire des miracles dans votre vie. Là. Les femmes ont cette grande chance-là de créer la vie. Ce sont des dieux. Louons-les. Attention! Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. On doit vous passer. On va vous passer, madame. Attention, on va vous passer. Oh, ça va faire un gros plaisir. Un gros on vous passe. Aujourd'hui, le vendredi 22 juillet. C'est là que mon cellulaire rentre en ligne de compte. Est-ce que c'est mieux ça, 22 juillet? Ben oui, voyons. 22 juillet 2016. Nous recevons mon ami comédien, homme de théâtre. Est tellement sympathique. Tellement sympathique qu'on a cherché la... Où est le carton? Attendez un peu, on a pas acheté le carton. Et tout... Fâchez-vous pas, mais je crois qu'on a... Il y a quelque chose qui s'est passé là. Mais voyons! C'est pas vrai. Oh non. Ah, peut-être si. Attendez. Oh! On entend la canne. C'est pas de la canne, c'est de la bouteille. Oh oui, c'est mon ami. Ben voyons donc, toi. Parce que je voulais pas me tromper dans sa biographie. Parce que c'est un homme multiple, mon ami. Gandalf Anglade est un comédien, bien sûr. Mais c'est aussi un professeur dans les prisons. Et aussi, c'est quelqu'un qui fait de la doublure. De la doublure, ben pas de nom, pas un cascadeur, une doublure de voix. Il fait de la voix, lui. Non, pas ce... je parle pas de soprano. Exemple, il y a une télésérie états-unienne. Mais il prête sa voix dans un... Il prend un comédien, puis il emprunte sa voix. En tout cas, il nous le rend en français. On peut comprendre. On comprend l'anglais grâce à lui. Parce que c'est un... Monsieur Anglade, écoutez, c'est l'homme parfait pour se laisser impressionner par le jeu du comédien qui, lui, il joue en anglais. Là. Pas facile de jouer en anglais. C'est encore pire français, là, mais lui, il traduit, il nous recrée la réalité pour qu'on puisse piger l'action dramatique. Vous ne croyez pas? Écoutez bien ça. Thank you.

like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah. Yeah. Our life will never end. Gotta love your man. C'est lettre d'anesthie, pis tout le monde est pauvre, ta grand-mère aussi. Longueuil calice avec le canne de peinture, apprendons à lire avant d'écrire ses murs. Longueuil calice, pis fuck le métro, avant c'était plus long, fallait qu'il vienne en vélo. Longueuil calice, pis j'vois pas d'espoir, mais j'peux voir le stade, pis la ronde le soir. Des chandails de loup dans les boutiques de souvenirs. Bravo pour tes jogging, j'ai rarement vu pire. J'ai envie de pleurer, mais à plage borée, parce que Longueuil est dans les mémoires. J'suis l'autre bord de la rivière. J'ai jamais bu